que ça. Aime-la, aime-la. Dans la marmelade, les filles aiment l'appellation. Pousse le son, flow original. Si on pousse le son de reggaeton à reggaeton. La voix qui tourne dans le hood en compact disque. Qu'on dise putain que ça raille dans les blacklists. J'aurais pu me déchirer la voix, m'abaisser au rap de voyou. Pas de minimum, non. J'ai la voix typiquement pour tout casquer. Da boy, bestial, da gosse Casper. Dur d'être rappeur. Ça mange beaucoup de pain, rapporte peu de beurre. L-A-S-U-K-M-Z-E-B. Laisse-moi la cravache, j'ai d'autres chats à fouetter. J'protège la nature de Cancun. Pas la fleur et la faune, plutôt la fleur et la faune, ouais. Summertime. Et toutes les chats sont ici. Mais summertime. Elle est steak gris et les braises brasies. Summertime. Ah, ce que j'aime le summertime. Oui, j'en ai marre de summertime. De toujours louper la page, de arriver à la plage quand le soleil fait ses bagages. Car j'ai toujours un retard, j'ai toujours des courses à faire. Mais quand j'ai lavé ma bagnole, c'est la pluie qui persévère. Pourquoi me couper les cheveux, me raser le pubis? De toute façon, y'a que des vieilles sur les plages du nudis. Ces putains de barbecue, la fumée me suit de partout. Tellement j'en pleure dans mes chaussures, y'a des cailloux. Ouah, c'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai du sable dans les dents, j'ai du sable dans le cul. Et c'est foutu bain de minuit, mais tellement ça caille. Tu te sens comme Passepartout, je te raconte pas la taille. Ouais, j'étais mis en Sibérie. Au moins les bières elles étaient fraîches. Mais qu'est-ce que ça me manque de plus voir des cougars. Summertime, me voilà. Summertime. Et toutes les chattes sont ici. Mec, summertime. LST gris et les braises brasies. Summertime. Ah, ce que j'aime le summertime. Summertime.